Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 octobre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Oui, on est ensemble pour 3 heures de la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir. Top 20 franco et top 20 anglo. Que demander de plus? Pas grand chose, à part des super pouvoirs, je sais pas. Des super pouvoirs, malade. Quel super pouvoir? Genre comme imprimer 32 feuilles. 32 feuilles! Hey, par minute, ça me fait triple. Nouvelle imprimante qu'on va voir, c'est fou. Ouais, 32 pages par minute, sérieux. Ça excite pas mal, Mathieu, là. Mais c'est genre une page par même pas 2 secondes, comme. C'est fou, c'est malade. Bref, oui, non seulement on a juste. On a pas juste le top 20 francophone, le top 20 anglophone, on a aussi ailleurs dans les palmarès. Oh, que oui. On a aussi huile de palme, des fois, une fois de temps en temps, ça arrive. Ou peut-être pas. Ouais, c'est ça, une fois de temps en temps. Et d'autres chroniques que j'ai abandonnées avec le temps par manque de temps. Hein? Ah, voilà toi aussi. Oui, ça arrive pas mal qu'on est occupé. Donc, on a 4 nouvelles entrées. Avant de parler des nouvelles entrées, allons-y avec les numéros 1 de la semaine passée. En anglophone, c'était peut-être Lady in Gold avec la formation Blues Pills. Et du côté francophone, c'était peut-être Claude Pelgag avec Samedi soir à la violence. On va savoir si c'est encore ça d'ici 17h. Ouais, dans moins de 3 heures, comme on l'appelle. Donc, une nouvelle entrée, il y en a 4 du côté anglophone. Plus tard, il y aura Charlotte Day Wilson ainsi que Opeth. Et du côté francophone, eh bien, on va avoir de nouvelles entrées aussi. On va avoir, entre autres, Émile Bilodeau et Saratoga. C'est avec ça qu'on commence, Saratoga. La pièce s'appelle Fleur. Et ça commence très, très tranquillement. Ouh! Au palmarès, c'est fou. 89 FM. Ralentis l'allure. Tu brûles à mesure. Tu tournes. Entrée. When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life. C'était Opeth en 20e place anglophone avec Will of the Wisp sur l'album Sorceress, nouvelle entrée. On sait comme pas si ça va arrêter. Non, c'est ça, on sait pas. Alors, on sait par contre que c'est un groupe de métal progressif suédois originaire de Stockholm. Oh, d'accord. Et du côté francophone, eh bien, on a commencé tout ça aujourd'hui avec Saratoga. Sachez-le, c'est un band francophone québécois et non pas le band qui vient des États-Unis qui porte exactement le même nom et qui ont plus de genre 300 000 abonnés sur Facebook. Ouais. Non, non, on parle vraiment de ceux qui viennent de Montréal, qui est composé de Chantal Archambault et de Michel-Olivier Gasse. Quand même, assez bon. Ils ont trois nominations au GAMIC 2015 et ont remporté le prix IP Folk de l'année aussi au GAMIC 2015. Ça, c'est très bon. Moi, ça me fait penser... Oui, ça me fait penser à quoi, déjà? Ça me fait penser un peu à... C'est comme si je ressentais de toi les ondes FM se rendent jusqu'à moi. C'est de la télépathie. Et ensuite au public. L'amour revient de guerre. Le cœur en bandoulière, il faisait froid. Je trouve tellement qu'ils ont le même ton de voix. Ouais. L'amour revient. Faudrait qu'on vérifie vraiment les deux, là, mais. De travers, mais le cœur à l'endroit. Mélanger avec, mettons, ça ici, Adama. Ralentir. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Même style de ton de voix, même style de parole. Pareil. Faisons la paix si tu veux. Voilà, moi mes références, je les ai de la guerre des tu. Les deux en même temps, là. Moins les deux en même temps, par contre. Un petit peu moins. Un peu moins. Oh oh! Le directeur technique, je pense, a mis deux chansons en même temps. Ouais. C'est moi. C'est voulu. Je trouve tellement qu'ils ont le même style vocal, en fait. Ouais. C'est un genre. C'est pas vraiment pour moi, mais c'est pas mauvais. Tu parles de Nathalie Simard ou de Saratoga? Les deux. Donc, c'est Saratoga sur saratoga.bandcamp.com. Oui, leur album n'est pas encore sorti, hein, sachez-le. Ça va sortir le 14 octobre prochain. C'est une primeur exclusivité exclusive. Tout à fait. Mm-hmm. On est au 19e place maintenant. Nos deux dernières nouvelles entrées en anglophone, c'est Charlotte Day Wilson avec Find You sur l'album CDW, c'est ses initiales. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Émile Bilodeau avec J'en ai plein mon casque. Lui ici, il se gosse un petit rythme calme pour commencer. Ah ouais, il est fort de ça, hein? Il faut pas mal de ça. C'est des palmarès, c'est fou. En 89, j'en ai plein mon casque de l'hiver. De ta mère, des nids de poules, de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit. Et j'ai des remords d'en face, parce que aimer ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire. Et peut-être bien qu'à 100 ans, je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin. Ou bien au moins en attendant le refrain. J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon jazz de la guerre, puis de toutes les

Holiday Wilson. Find You. Sur l'album CDW en position numéro 19, et Charlie Wilson est natif de Toronto en Ontario. C'était elle qui était le corps-cuisse. Le corps-cuisse. Du quartet torontois de Smooth Ass R&B. OK. Donc on peut vraiment dire un corps-cuisse. The Whale. Et maintenant elle fait carrière en Slow-Yo. Oh, oui. Je vois. Du côté francophone, eh bien, c'était J'en ai plein mon casque de Émile Bilodeau, ou comme aimerait bien le dire Mathieu Plante, Bernard Adamus, numéro 2. Bernard Adamus, léger. Hein? Oui. Ou comme le nouveau Coca-Cola Life. C'est vrai. Donc c'est comme Bernard Adamus Life, 50% moins de calories, je crois. Oui. Ouais. Tout à fait. Ça faisait penser à plein d'autres choses qu'on entend de ces temps-ci, là, de monde qui se plaint que la vie est donc plate. Ça, ça ressemblait aussi à la version masculine de Lisa Leblanc. Et voilà, absolument. Tout le monde dans le même genre au Québec, c'est le fun. C'est le fun. Ben oui. L'ironie ici. Maintenant qu'on a entendu les quatre nouvelles entrées de cette semaine, ça va être le moment de sauter par-dessus plein de choses. Donc, on saute par-dessus, en anglophone, les 18 et 17. Donc, en 18e, Pop et DVP, qui datent d'il y a 7 palmarès. En 17e, c'est Jay Arner avec Crystal Ball. Du côté francophone, on va en sauter beaucoup. On va sauter d'ailleurs de la 18e à la 14e wow. position. Donc, on va sauter par-dessus, te retrouver des passagers. On saute par-dessus la 17e, qui est Fred Fortin avec Gratte. On saute aussi par-dessus la 16e, qui est Peter, Peter et Den Noir. On saute par-dessus la 15e, qui est Fudge avec Lazare. Et on saute la 14e, Coma des Goules. Oui, plein de choses à sauter, mais c'est des choses qui sont quand même vieilles dans le palmarès. Donc, on essaie de vous faire jouer des choses un petit peu plus récentes. On va rester donc en anglophone pour aller entendre trois pièces qui étaient nouvelles entrées la semaine passée. Donc, il y aura plus tard Groenland et Creve. Mais on débute en 16e place, ça monte de 2. Voici Croy et River, comme dans Cry Me a River. Cry Me a River. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Petit joke de Justin Timberlake. Ben ouais, c'est vraiment fun. J'avais compris, moi. Ah, j'avais compris. Again, the foe has come. The years left me alone. But I have grown to be the one I long to see. But I am not the same. I move in different ways. And I apologize if you don't recognize me. Yeah. vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. 15. Ask me where it hurts, oh, I'm not so sure. but can be an irrational makeup for when I'm feeling lost. There's a rumor spreading through my body as I move further from the truth. It's all logic and pretend. If I find a way to mend, I don't know. Distraction, ça monte de deux places, c'était nouveau la semaine passée. Ils m'ont dit que c'est bon, on dirait que la mélodie de piano là-dedans est incroyable. Ça fait un petit peu. Tu sais, la tune qu'on apprend au piano, le chopsticks, là. Ben oui, on apprend tout. Bon, là, comment. Non, t'as pas appris ça au piano? Non, pas vraiment. Ah, pendant que je la trouve, Tania. Je jure, j'ai. Moi, je pensais que tu s'en avais me lâché, tu sais, la petite vache à maillot. Non. Ça, c'est la première, en effet. Ouais, c'est ça, exactement. Là, c'est lui aussi qui s'en va avec son chopsticks. T'as bien raison. Ah non, gars, écoute ça, attends un peu. C'est ici. Non? Sais-tu à quoi ça me fait penser? À quoi? Juste à moi quand je tape partout sur un piano. Ah non, il a l'affaire, là. Il a les bonnes notes. Ben moi aussi, je suis sur les bonnes notes. Pis ça, c'était l'intro d'une sitcom avec Yves Corbeil, je suis sûr, mais je me rappelle pas c'était quoi. Yves Corbeil? Ouais. Hey, tu aurais... Moi, je retourne loin, hein? Ouais. Attends un peu. C'était quoi? J'aimerais ça avoir un public en studio qui pourrait me dire générique, chopsticks. Présente la pièce pendant la roue de fortune avec Yves Corbeil? Non, du tout. L'Auto-Québec? Non. Tu vas me nommer toutes les tunes. Je te jure, j'ai tapé, j'ai tapé sur Google show télé avec Yves Corbeil. C'est vraiment très très drôle. Mais attends un peu, Yves, pour vrai là, je sais que je vais le trouver. Ça sera pas mais trop. Mais attends, non, on va aller Corbeil, voir la télévision. Non, télévision. Je vais me remettre un fond. Haute surveillance, non? Non non non, c'est une sitcom pas peau de banane. Il était père là-dedans, il me semble. Peau de banane? Virginie, non? Non non non. Sauf non, non. Qu'il peut. Non. Pas les bergers. C'était peut-être pas Yves Corbeil, finalement. C'était pas Yves Corbeil. Ah, oh boy. Portail des séries québécoises. Faire de la recherche, même en nom, c'est toujours là. Ouais, je sais. Ouais. La famille par... la famille Pierre à feu, gouzou. Je vais chercher pendant le prochain bloc musical, ça te va? OK, ouais, okay. C'est bon. Donc, avant d'entendre Groenland, on a entendu Creef avec Mississippi qui monte de deux places. Même chose pour Croy avec River qui a aussi monté de deux. C'était un bloc de pièces qui date d'il y a une semaine seulement, donc des nouvelles entrées la semaine passée. Maintenant, on va écouter les 13e places. Les deux, oui, on ne sautera plus par-dessus par-dessus aucune pièce dans ce bloc-là. Non. Donc, en anglophone, ce sera Hot Panda avec Bad Pop qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on se le disait, hein, Mathieu, à l'extérieur des ondes, c'est quand même un petit peu plus dépressif que du côté anglophone. C'est vraiment, il y a une ligne tracée dans le sable. En anglophone, c'est joyeux le fun. Et en français, dépressif. Je pense que les Québécois et les francophones ont de la difficulté. Tu es en train de dire que les Québécois se plaignent tout le temps, c'est du Québec bashing, non, ça. Voyons, Québec bashing. Je ne fais absolument pas je ne voudrais pas mettre personne à dos de la station. Absolument pas, surtout pas les ados, on ne voudrait pas se mettre des ados à dos. Exactement. Voilà. Donc, on va aller écouter en 13e francophone, Les Sœurs Boulées avec La Moitié de Toi qui dort, et j'espère que vous êtes prêts, parce que ça... Ça, là! Ça, là! C'est triste. C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Ça, là! Ça, là! Je sais que tu travailles toujours fort avec ce qui t'a été donné. Tes yeux sont accoutumés au noir. Tu sais nourrir la bouche qui te mord, celle qui t'empêche de parler. Moi j'essaie de devenir un prendre le contrôle de mon corps pour essayer de nous réparer. Je sais que t'es déjà rendu plus loin que ta mère avant toi, mais l'avenir ne se fait plus rien qu'en regardant derrière soi. J'imagine que la vie. Je sais que c'était déjà compliqué, mais moi, maman, ce que j'ai appris, c'est que c'est un peu comme ça qu'on guérit, qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Je sais que t'es déjà rendu plus loin que ta mère. 16. C'est pas Yves Corbeil, c'était non. Jacques Lheureux, Passe-Montagne, toi. C'est ça, c'est pas la même personne. Avec Marie-Lou Di. Elle est une juge. Oh, Étienne Depassier, Tania. Ah! Étienne Depassier, le beau garçon, là. Emmanuel Dubois, la jeune enseignante. Ben oui. Grégoriane Minot-Payal, petite fille. Annie-Major Matt, je vois là-dedans. Un autre enfant, tu connais. Et René Caron, vieux monsieur. Évidemment. Ah, là, il y a assez d'erreurs dans la maison, mais la porte est barrée. Zut! Et tout le monde, toute la famille joue du piano. C'est pour ça que la chanson, c'est ça. Oh, wow, c'est tellement charmant, ça. Un homme au foyer, c'est normal que je trouvais pas ça. C'était pas Yves Corbeil, on en parlait tantôt. C'est ça, l'affaire. C'est Yves Corbeil puis Jacques Lheureux, hein. On s'en pareil. Fait. Ben, une certaine similarité. Certaine. Bref, juste avant ça, avant cette intro magnifique de Chopsticks qu'on avait mentionné dans le précédent bloc, c'est donc Hot Panda avec Bad Pop qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu La moitié de toi qui dort des Sœurs Boulay. La semaine dernière, il était quand même en 8e position, c'est-à-dire qu'on a descendu de 5 places. Oh boy! Il est là. Pas facile, les tasses sont dures. Il nous reste assez de temps pour les 12e places. En anglophone, il y aura Bad Bad Not Good avec In Your Eyes qui descend de la 7e. Et du côté francophone, ça va être le coup avec l'amour le jour. Au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Oh non! Ah, c'est tellement bon! T'es-tu sérieux? We'll be right back. L'amour, love, l'amour, te faire la cour. Dans une boîte carrée, je t'ai trouvé. Devant ma porte jaunie, on t'a laissé. Tous ces bourreaux et de toutes ces victimes, l'homme se contredit. now it's me against something so big and abstract that I can't tell what it is. All while you're out there crying on some poor girl who is backstage at the 6.8 Rock Fest. Ackerville River et The Industry qui montent de la 20e place directement à la 11e. C'est la moitié du palmarès. C'était nouveau la semaine passée. Tout à fait. Avant ça, on a entendu la 11e francophone, c'est-à-dire La femme avec Où va le monde. C'est la fin de la première heure des palmarès. C'est fou. Il nous en reste deux autres. Dans la prochaine, ce sera les positions 10 à 6. Non. Amazing. Es-tu sérieux? Je dis toujours la vérité. Ah ouais? Oui. Je vais retenir ça, Mathieu Plante. Et ce ne sont que des mots, comme dirait Donald Trump. Je m'en rends compte, qui chantait ça? De le monde. Ce sont que les mots. Je sais pas. On y repense au retour. On revient dans deux minutes. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. retour au Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 16 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Oh, Caroline, mais ça va donc bien, ça se rappelle de nos noms de même. Mais je sais, hein, c'est comme si on n'animait jamais ensemble. Pareil, pareil. Juste combien d'heures on fait ensemble? 8, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, plus les rediffusions. On doit faire une journée complète à nous deux. Ouais, probablement. On se le fait dire qu'on en aime beaucoup, mais que voulez-vous, venez proposer un projet assez fou? Ouais, exactement. Si vous avez quelque chose à chialer. Hey, on a des cases à remplir, faut les remplir, hein? Mais oui. Quand il y a un trou, faut le remplir, comme on dit. Ah, c'est tellement déplacé. Toujours ça. pour ce numéro 10 anglophone, c'est les Deluxe avec Springtime Devil, qui était une nouvelle entrée la semaine passée. Pareil, comme celle qu'on avait entendue en fin de première heure, ça monte donc de pas mal la moitié du palmarès aussi à la pièce, comme j'ai dit, Springtime Devil. Du côté francophone, eh bien, on va retrouver une de nos habituées des palmarès, c'est-à-dire la bronze, avec Manger nos cœurs, feat Hologram. Oh! On a monté de 2 positions pour la bronze cette semaine. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Elle aussi, elle monte. Mangez nos cœurs, ils repousseront à l'infini. Prenez tout ce qu'il y a, je suis, et ensemble on pourrait vivre. Thank you. crossroads, you won't find me there to meet you. Your silver tongue was tarnished long ago. From time to time you cross my mind, but at the crossroads you won't find me there to meet you. Won't find me there to meet you. Your silver tongue, the same old thing that I heard sung to me last spring. You're living off a memory of youth, not love, of apathy, misanthropies, a sentiment you provoke in me so well. I won't descend back to your hell. Long ago, from Tania, je vais t'apprendre qu'il y a des paroles sur cette chanson. Quoi? En tant que tel, c'est super robotisé puis on comprend pas, ouais, mais les paroles ça. Sont écrites. Straighten out your pleat, demands have been besieged, safe passage for the meek, refusal to accede, deny the preconceived, for the preordained, we no longer grieve, for nothing is concrete, laying on the sleet, laid with the reeds, lay the concrete. Et ça continue, là, y a chaque ligne est différente quasiment dans la chanson complète. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était une phrase répétée sans cesse. Ça ressemblait à « We got the beat, we got the beat, ouais, we got the beat, we got the beat ». T'as tout à fait raison. Mais ce n'est pas le cas. Ah, c'était « Concrete » par Crystal Castles, position numéro 9, qui monte de la 12e, donc de 3 places. Avant ça, la pièce plutôt dépressive qu'on a entendue, eh bien, c'est « La nuit tombée » de Adrienne Solman. Une pièce qui a monté de 9 positions, malgré tout ça, durant la dernière semaine. Alors, on se gâte avec les commentaires c'est, sur les c'est chansons. C'est fou, je suis désolée. C'est fun, non, mais il y a de la variété, il y en a pour tous les goûts. Oui. Il y a des chansons qui sont moins pour nous autres, donc qui sont plus pour nous autres. Exactement. Hein? Par exemple, la prochaine, du côté anglophone, moi je l'adore, c'est par Toons, Mind Over Matter, qui monte de la 13e place. Et du côté francophone, eh bien, ça monte de 11 positions, c'est We Are Wolves avec Au revoir les crapules. C'est pas mal assez fou. Au 89 FM. Le tout pour tous les goûts. Le tout pour tous les goûts. C'est fou de musique. Ah, les slogans qu'ils peuvent avoir à d'autres radios. Hein. Hey, hein. C'est un culte, mais tu sais maintenant. Le vertige s'isole devient ton grand tourment. Toutes ces crapules qui voulaient briller. Narcisse et ses humains l'ont isolé. Un voyou à la balafre dessinée. Ma délicatesse réchauffe. Vive le roi, la mort est reine, vive la Mind Over Matter, position numéro 8 anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu We Are Wolves avec Au revoir les crapules. Ah, Mathieu, quoi? Je suis tombée sur un article pendant qu'on était en train d'écouter la merveilleuse musique c'était qui bon, nous là. Accompagne. C'était pas parce que c'était mauvais. Là. Non, définitivement pas. Et je suis tombée sur un article. OK, le site Internet, c'est pas le meilleur site Internet au monde. C'est North City Montréal, sachez-le. Mais j'ai trouvé des trucs infaillibles pour ne pas manquer de batterie dans notre cellulaire. Okay. Ceux qu'on ignore absolument. Et je sais pas si tu es au courant, mais apparemment que le mode vibreur sur un téléphone cellulaire, c'est ce qui gruge le plus de batterie comparé à la sonnerie de téléphone. Es-tu sérieux? Pour vrai, j'ai lu des millions d'articles sur comment économiser ta batterie. Je me rappelle pas avoir vu de choses sur les vibreurs, mais peut-être... Ça a l'air vrai. C'est quelque chose que je pense que je vais essayer. Ouais. Puis aussi, on dit qu'on pourrait désactiver les notifications des applications utiles. Oui. Tu sais, ceux qu'on utilise tout le temps, c'est-à-dire Facebook, c'est Instagram. C'est pareil. Pourquoi avoir besoin de tes notifications? Twitter, Snapchat. Tinder, ouais. OK, non, Snapchat, ça te prend une notification, je pense. Ouais, mais ça a du sens, là, pour vrai. C'est pour être de toute façon tout le temps sur Facebook. Pourquoi avoir besoin d'un pop-up? Exactement. Ouais, ça a du sens. Ça dépend de ce que vous gérez sur Facebook, ouais. Honnêtement. Si tu as 12 pages administratives, je crois qu'il y a des pop-up. Tu vois, ça faisait plusieurs mois que je les avais, même plusieurs années. J'ai enfin enlevé l'application Page. Parce tu l'as enlevé, moi. Ben, je suis pas capable d'enlever ça, là, oublie ça. Mais pour j'ai ben trop de gestion à faire. La plupart des affaires dans l'application Page, moi aussi. Mais l'application Page, la plupart des options sont dans l'application Facebook, de toute façon. Et ils font des notifications en double, ils te le disent, dans Facebook et dans Page. Puis dans Page, souvent, t'as comme plein de notifications qui sont comme genre « Félicitations d'avoir posté un statut ». Vous devriez le faire plus souvent. Hey, ta gueule! Et si on me suggère de lâcher Tinder pour ma batterie? Bon. C'est pour ça que tu voulais pas que je le dise, le mot Tinder, hein? Non, je sais. Tu savais que je l'allais dire, par contre. Je savais que t'allais le dire, mais clair. Je l'ai fait dire ailleurs. Ben ouais. Sachez que mon Tinder n'est pas utilisé à grandeur de journée. OK, bon. Parfait. Ou pas du tout en ce moment? Pas du tout en ce moment, en fait. Je suis pas très Tinder. Non. Je suis pas tout le temps dessus. Bon. C'est ça, j'ai pas à me justifier, c'est beau, merci à voir. Bloc que t'as juste à dire, je ne répondrai pas, sérieux? Hein? Je ne réponds pas sans la présence de mon avocate. Sans commentaire. Oh, t'as une avocate? Ben oui. OK. Ancienne colocatrice. Ah oui? On a signé un contrat, c'est elle qui fait toutes mes deals. Position numéro 7 du côté anglophone, c'est The OCs avec Plastic Plant qui monte de deux places. Du côté francophone, ça va être Moussette avec Insouciance. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Fait combien de notifications sur Tinder? Aujourd'hui? Ouais. Sans commentaire! Apparaître si pleine. On a vaincu la jungle. Si on se relâche, elle prendra vite. Icônes, les singes, serpents. 7e place anglophone qui monte de 2 Plastic Plant sur l'album Weird Exits. Et du côté francophone, eh bien, comme on l'avait dit, c'était Insouciance avec Moussette qui est à la même place depuis la semaine dernière. On n'a pas bougé, on est stable, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Elle est seulement les 6e positions en cette 2e heure de l'émission. Ça veut dire que tantôt, on va pouvoir écouter quelques pièces qu'on avait sautées. Je vais avoir envie d'entendre les positions 11 parce qu'elles sont récentes. Mais restons dans le présent. Pour l'instant, en position numéro 6 anglophone, c'est Lasca qui est stable, une pièce de la formation Et tout broussé. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Gasoline avec Ne m'oublie pas. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. We'll be right back. 6. Ce bloc avec Gasoline et Ne m'oublie pas, une pièce qui a monté, ma foi, de 12 positions cette semaine au palmarès. Assez, je veux pas dire surprenant, mais on a monté rapidement. Oui! C'est et enfin, on a terminé le bloc avec ça, juste pour te... Ouais, je sais. C'est pas grave. Et avant ça, on a entendu Eto Brucé avec Laska, qui est stable en sixième anglophone. Avant ça, au début du bloc, c'était une pièce des Indies qui avait pas rapport, mais quelqu'un assez fou avait échangé les CD de pochette. Ouais. On a échangé nos CD cet automne à Canal Vie. Oh boy, on a échangé. On va reculer un petit peu. Ouais, j'ai fait ce gag-là mille fois dans ma vie, mais toi, c'est nouveau. C'est... Non, mais je suis désolée, mais terrible, celle-là, le fais-la plus jamais. Arrête, c'est très drôle. Mathieu! Elle était pourrie. C'est gars! Là! On a échangé nos CD. C'est très drôle. Très drôle. Joke de mon oncle. C'est vraiment une joke de mon oncle. Mathieu, je pense qu'un jour, tu pourrais peut-être... Devenir mon oncle, je suis déjà mon oncle. Mais non, mais je sais que t'es déjà mon oncle, mais quand tes nièces vont être vieilles, genre, tu pourrais devenir le mononcle le ou moton. T'es pas. Le mononcle ou que t'es pas trop sûr de ses jokes, tu sais, là, ou ben t'es pas ça. Sûr, c'est à la limite pervers. Mais oui, probablement, mais c'est le genre de blague que j'écrirais sur Facebook avec un petit bonhomme avec une moustache. Oui! Joke de mononcle. Une joke de mononcle. Faites attention, les mononcles. Dites pas n'importe quoi à vos nièces, s'il vous plaît. Ça troupe des enfants après ça. J'ai fait rire une couple de filles sur Tinder avec mon profil Tinder. Ça dit, genre, de m'ajouter sur Facebook. Ma place de marquer Facebook, c'est le bonhomme avec une moustache puis un livre. Ah! T'es sérieux? Oui, ça a fait rire une couple de filles. Ah, il y en a qui ont des bons Tinder profiles. Ben oui, le mien est drôle. C'est marqué humour douteux, ascendant, jeu de mots poche. Moi, j'ai juste mis des émoticons. Faut que tu devines c'est quoi ça veut dire. J'avoue que c'est une bonne idée, ça fait mystérieux un peu. Ouais, je sais. Comme une caramille, Kitania. Une carabine? Une caramille, voyons donc. Hey, je suis pas si méchant que ça. Mais je suis là, non, j'ai pas mis une carabine. Je garde ses commentaires méchants. Tu savais pas tout le monde aussi rapidement? Je garde ses commentaires méchants là pour David Ferron. Ah, une chance. Les mardis matins à Assemblage Rock. On t'aime, David. Ben, bisous, bisous. Donc, position, on va revenir en arrière parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps dans cette deuxième heure de l'émission. Donc, retournons à la 12e position anglophone, Tania. Oui, est-ce que tu me parles de oui, Baba parle Not Good? Ok, ouais. Je pensais que tu me demandais si je te parle à toi. Non, non, je à te qui parle veux-tu de... que je parle? Je... Ben, à nos auditeurs. David! Il est parti, il est parti. Ah, il est parti, bon. Laisse-le aller dormir. Tu me parles de Bad Bad Not Good, ouais, avec la pièce In Your Eyes. Oui. Une pièce qui a descendu de 5 positions. Oh. C'est triste. C'est des palmarès si fous. Au 89 FM. Bad Not Good en position numéro 12 qui descend de la 7e place, oui, avec la pièce In Your Eyes sur l'album 4. Excusez, je suis en train de regarder les films qui vont faire un retour sur Netflix. Oui, OK. Puis on vient d'apprendre que les Mighty Ducks allaient faire une apparition sur Netflix. Je suis comme vraiment... Ça, c'est le film, entre guillemets, documentaire selon RDS, mais plus basé sur des faits vécus maintenant. Exactement. C'est, en fait, ce sont tous des joueurs qui se sont rendus dans la Ligue nationale. De hockey. D'hockey. Toi, c'est comme tellement évident qu'elle n'a pas besoin de le dire. Ben oui, exactement. Qui a pas écouté les Mighty Ducks dans sa vie? Hey, Tania! Et moi, une fois par année, là, avant les fêtes, j'écoute toutes les Mighty Ducks. Il y en a pas plusieurs, hein, c'est ça? Oui, il y en a trois. Mmh. C'est ça. Pendant la chanson, là, on a découvert un de tes talents. Mathieu a découvert une métallurgie. Si on en parle en début de troisième heure, dans quelques instants. OK, ça ne dérange pas. Donc, on termine la deuxième heure ici avec les positions 10 à 6. On revient dans quelques instants avec une troisième heure, les positions 5 à 1. On va enfin savoir si le numéro 1 anglophone est toujours Blues Pills avec Lady in Gold. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours Claude Bellegarde avec Samedi soir à la violence. C'est les pommes restent, il faut rester avec nous. Au 89.fm. La semaine du 10 au 16 octobre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on disait tout à l'heure, il y a quelques minutes, il y a quelques instants, que j'ai découvert un nouveau Tania. Une nouvelle Tania. Et oui. La voici en studio, en direct avec nous. Elle remplacera Tania. Oui. Non, on a appris de tes nouveaux talents. En fait, je sais pas si c'est un talent que t'as depuis longtemps. Je sais pas si tu vas être capable de nous le faire entendre. Ça va te gêner probablement. Probablement. Mais Tania est bonne pour faire des voix de dessins animés. Ouais, quand même. J'aurais jamais deviné. Ben, j'ai étudié en théâtre hein, quand même assez longtemps. Donc, c'est quelque chose qu'on avait à faire. Ouais. Et j'ai déjà longtemps pensé à faire des voix par-dessus des films de dessins animés. J'aime pas regarder les films de dessins animés, mais les faire, par exemple, ça, j'ai aucun problème. Ça doit être quand même assez spécial de doubler des films comme ça. Ça doit être magnifique. Ouais, honnêtement, ça doit être tellement cool. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, là, je me pratiquais, je mettais les films sur mute, puis là, je le faisais à leur place. Tu connaissais le texte par cœur? Hein? Il y en a certains que oui. Mais c'était pas des films de dessins animés, là, c'était genre Top Gun ou bien... Tom Cruise, ouais, c'est ça. C'est comme ça. Bref, c'est cool, ça, c'est cool. Mais oui, mais s'il y en a que ça leur tente que je double des films, appelez-moi. Mais tu dis que c'est trop cher d'être dans l'organisation des artistes. Ouais, ben ça me tente pas de payer des impôts partout. C'est ça. Tiens, on va l'entendre du côté anglophone, la position numéro 5, Person, avec Mr. Howard qui descend de 3 places. Et du côté francophone, je te demanderais de nous présenter ça en tant que personnage d'un film de dessin animé pour enfants. Oh, Tania. C'est terrible, pourquoi tu me fais ça? Moi, je chante en nom de toi le matin. Fait que j'ai honte de moi-même à chaque jour. Oui, mais je pense pas que j'allais être capable. Non? Non, je pense pas. Je suis désolée, ça me vieille pas. J'ai pas d'inspiration tout de suite. On va écouter Mauve. Oui, exactement. Mauve avec Longtemps qui est descendu de 3 positions cette semaine. Tout de suite au palmarès, c'est fou. 89.fm. Oui. Maintenant le jour s'allonge. des autres longtemps j'ai cru, mais jamais, non jamais ai-je cru arriver le dernier. En prenant le chemin court, jamais, non jamais ai-je cru arriver le dernier. En prenant le chemin court, jamais, non jamais. Ah, Mr. Howard par Person dans les panneaux assez fous, c'était la position numéro 5. Et la position numéro 5 du côté francophone, c'était longtemps de Mauve. Mm-hmm, on ne perd pas plus de temps, on y va avec les quatrièmes places. Donc du côté anglophone, ce sera Blue Spills avec Lady in Gold. C'est l'ancien numéro 1. Oui. Il y a un nouveau numéro 1 du côté anglophone. Oh, d'accord. Du côté francophone, ça va être Loup-Garou avec Pas de casque. Ouais, c'est surprise. Ben non. Non. Non, pas tant. Ça dérange pas? Non. C'est pas ma tune préférée, mettons, là. Celle-là, non. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Coureur sans son départ. Buveur sans son comptoir. Un soir de semaine. Diable en quarantaine, je viens à toi. Loup-garou, sans pleine lune, me reconnaîtras-tu? Je gagne à être perdu. Sans camouflage lentement, je viens à toi. Single.

prepping myself for the fall exhibition. Scroll all the spots that I got till I'm all alone inside my skin. Look at me shining it down in the garden. All of my sweat and all of my pardon. I can't help staring at the dark where the shadow gives up and I'll begin. Down in the backseat, fumbling matches slowly. I'm leaking out. Rise up with the smoke I held in my throat and grow soft into a cloud. La main sur votre cœur pour le Canon Royal. Royal Canyon avec Summer Soul qui monte de la 11e place. Troisième semaine de présence, l'album s'appelle Nevada. Et du côté francophone, eh bien vous l'aurez reconnu, c'était la bronze avec Roi de nous. On a monté de 2 positions cette semaine pour la bronze avec cette pièce-là parce que oui, vous avez bien compris tout à l'heure, elle est 2 fois dans le palmarès francophone. Ça fait un bout qu'elle est 2 fois pour vrai. Là, ouais. Gâte, mais elle est éternelle, cette la bronze. Ah, ouais. Que c'est beau, comme l'été presque. Presque. Après l'été, ça va arrêter pas mal la bronze. Il y avait des bouquins de matin, moi, t'avouer. C'est ça. côté des deuxièmes places, tout à l'heure en passant, juste après les deuxièmes places, on va faire la section ailleurs dans les palmarès. Oui. Mais avant ça, deuxième place anglophone, Japanese Girls avec Bully For You qui monte une place. Et du côté francophone, ça va être Chocolat qui n'aime pas, avec les Pyramides qui montent de 4 places. Wow! La bronze puis Chocolat back-to-back, c'est comme les petits lapins là, emballés dans du papier d'aluminium bronzé, gold. Tu parles du Chocolat Lindt? C'est le Chocolat Lindt. Exactement. À ne pas confondre avec notre chroniqueuse, collaboratrice à temps partiel, très très jamais là, Lintan. Oui! Lintan. Ne pas confondre. Non! Il y a des gens qui savent c'est qui, tu sais. Ben oui. Qui écoutent régulièrement nos émissions. Ouais. Je me rappelle d'avoir déjà entendu ça. C'est pas mal assez fou. Au 89 FM. 89.2. Divorce, the Japanese girl, c'était Bully for You qui monte d'une place en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Chocolat avec les pyramides qui a monté de 4 positions. Avant de passer aux premières positions, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Je te laisse chanter tout seul aujourd'hui. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès. Oh, j'avais mal à la gorge. Wow! Ailleurs dans les palmarès, c'est la chronique où on regarde ailleurs dans les palmarès pour savoir ce qu'il y a à part notre top 20 francophone et top 20 anglophone. Il y a aussi le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens ainsi que le top 10 loud. Commençons par les nouvelles entrées dans le top 30 des albums. En 29e place, on retrouve Adalia avec Adalia EP. Ah, c'est un maxi. En 27e, Like a Motorcycle et leur album High Hopes. En 26e, The Luyas avec 16 You. En 25e, Bear Mountain avec Badu. Badu. Badu. Et en 19e place, Charlie Day Wilson, qu'on a entendu plus tôt dans l'émission avec CDW. Eh bien, le top 3, que je ne dirais pas le top 1, évidemment, non. Parce que sinon, ça va un petit peu voler le punch sur ce qui se passe du côté des palmarès. Ça a juste pris comme 10 ans avant qu'on comprenne c'est la ça, formule. C'est ça, exactement. Mais en 3e position, c'est Royal Canoe avec Something Got Lost Between Here and The Orbit. En 2e, c'est Japanese Girls avec Divorce. Et on laisse la première en suspens. Dans le top 3 des disques canadiens, en 3e, The Pack 80 avec Positive Thinking. En 2e place, c'est stable Holy Fuck avec Congrats. Et en première place, Moi aussi, je me retiens. Oui. Je me retiens. Tu fais bien ça. Dans le top 10, Loud, une seule nouvelle entrée en 10. Est-ce que je te laisse la nouvelle entrée à place? Ah, ça me dérange tu veux, pas. Tu veux le défi du top 3? T'aimes ça? Ah! Je te laisse la libre choix. OK, vas-y. OK. Choisis. Dixième place, nouvelle entrée, c'est Necromancing the Stone avec l'album Jewel of the Vile. En troisième, dans le top 10, Loud, on a Alec Gaon avec... Proponent for Sentience. Ben oui. Et voilà. En deuxième, on a, je vois super mal en plus, Epica avec The Holographic Principle. Et en première, on a Opeth avec Sorceress. Oui, Opeth qu'on a entendu aussi en début d'émission en nouvelle entrée anglophone. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, on va se choisir un petit extrait, c'est-à-dire sur l'album Badou. Bdou. Qu'on a aimé prononcer tantôt Bdou. Malade. Par Bear Mountain. On va entendre l'extrait titre Bdou. Bdou. Hein? C'est quoi ce Bdou? Je sais pas. Bdou. Bdou. Bdou. Bdou. Oh, oh, pom. Oh, tu vois, ça fit. Mais ça. Je trouvais tellement que ça sonnait genre livre de la jungle. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. C'était la pièce Badou sur l'album Badou de Bear Mountain. On se demande si c'est le site, là, le réseau social Badou. Mm-hmm. Ou bien c'est Badou. C'est Badou ou Badou Badou? Badou. Badou Badou Badou. Badou Badou. Badou Badou Badou. Ok, c'est terrible. C'est un groupe de, de Colombie-Britannique, Bear Mountain. Ne pas confondre avec Black Mountain quand même. Non, en fait. Et la Montagne Blanche, il y a un paquet d'autres groupes qui portent tous les noms pareils, là, des ours et des montagnes, c'est bien dans la mode en 2016. C'est vrai? Donc, groupe de Vancouver en Colombie-Britannique, électro-dance, style avec beaucoup de bass, des synthétiseurs et de l'instrumentation en direct avec plein de voix qui donne un style frais et captivant, disent-ils, sur leur page Bandcamp qui est mybearmountain.bandcamp.com. Et l'album, Badou, est en position numéro 25 du palmarès, c'est top 30 des albums. Oh wow! En effet! Voilà, maintenant on retourne à notre top 20 francophones et anglophones. Il nous reste seulement à entendre les positions numéro 1. Hein? C'est excitant, ouais. Ça c'est excitant. On va avoir le temps de revenir en arrière un petit peu après ça. T'es en train de me dire que tu vas faire tes jeux de mots. Ben oui, mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, hein, Talia, comme on dit, il faut pas attendre à plus tard. Pourquoi remettre à plus tard ce que tu pourrais faire ce soir? Même si, en tant que tel, j'aurais probablement plus de temps pour scripter mes gags si j'attendais à samedi soir. Ben oui, probablement. Parce que samedi soir, S-A-T-U-R-D-A-Y, night... Moi, ça me met en feu, ça m'en furie, j'ai envie de frapper dans les murs. Ah ouais? Et après ça, de faire des jeux de mots comme « ouch, ça fait mal »,« pouch, ça fait mal », comme dans « je me sac un coup dans la poche »,« pouch, pouch, ça fait mal ». Ouais. « Ouch, pouch », genre, tu vois, genre. Oui. Quand je suis violent avec moi-même, parce que j'ai des fantasmes bizarres. Oui, comme, ben oui. Comme de faire des gags ou des blagues, genre, avec des blagues de pelle. Des blagues de pelle, des pelles gags. Ouais. Comment on appelle? Et non pas des gags pelviens. Non, non, non, non, c'est pas la même chose. Ça, c'est aussi des pelles gags, mais le pel veut dire pelvis à la place de pelle comme la cheval. Tu comprends? Oui. Je pense que tu comprends ça. Je comprends très bien. Ouais, ouais. La violence conjugale, en passant, comme on dit tout le temps, c'est non. Il y avait un show de burlesque à l'UQTR récemment pour parler contre la violence conjugale. Oui. Que ce soit un coup sur la tête ou un coup dans le thorax. Oui. Ça va lui faire voir des étoiles à la femme. C'est sûr. Ça va être donc l'étoile thoracique. Ça sera peut-être pas les meilleures étoiles au monde. Oui. Il y a aussi le film là, de Steven Spielberg, là, Le Parc Thoracique. Aussi, c'est juste des thorax, c'est ça. Ouais, ça n'avait pas vraiment rapport, mais quand tantôt j'ai fait une blague sur s'envoyer un coup d'un couille. Ouais. Hein, ça me rappelle le nom du groupe anglophone The Pack 80. Ouais, c'est vrai, à cause du paquet que t'as, exactement, du paquet. Et si, mettons, j'avais à me faire commanditer le paquet. Quoi? On dit souvent, toi, en marketing, tu connais ça, se faire commander le paquet? On appelle ça de pack ad, comme dans une publicité sur ton paquet. Oui, oui, oui. Hein? Je connais ça. Oui, je connais ça. J'en ai vu plusieurs. Les c'est gens qui font tatouer les logos de McDonald's sur pipi, on connaît ça. Mais peut-être qu'un jour, ça t'arrive. Peut-être qu'un jour, tu pourras rencontrer quelqu'un qui a un logo de quelque chose que t'aimes sur le pipi, un genre de pomme d'apple. Si tu penses positivement. Positive thinking, voilà. Ben oui. Tu peux expliquer. Boy, Mathieu! Hey, il cherchait le gars aujourd'hui. Il va falloir que tu m'aides là-dessus. Il n'y a pas autant de mental que les autres semaines, il me semble, à ça aussi. Non, hein. On va y aller du côté francophone, parce que le ouch, je me dis comme... Le ouch et le pouch, oui, rappelle-toi de ce gag-là. Oui, exactement. Oui. Samedi soir, Mathieu, il tourne en démon, là, où il scripte ses gags, ça va pas bien. Puis il devient vraiment violent, parce que... Le titre de la chanson, c'est « Samedi soir à la violence ». Ouais. Le club, c'est l'ordre de France. C'était la pelle et le gag, pelvis, oui. Gag et pelle. C'est la deuxième semaine que ce numéro 1-là est au sommet. T'sais. Je sais, c'est Clopelgag. Et voilà, parce que c'est assez difficile de faire des jeux de mots avec Clopelgag. Je te dirais que pelle et gag et pelvis et gag, c'est pas mal le top que je peux faire. C'est vrai. Ouais. Mais si tu donnes des coups dans la cage thoracique de quelqu'un, il y a de fortes chances que tu vois des étoiles, en effet, parce que l'album, c'est l'étoile thoracique. Voilà. Et le parc thoracique aussi. C'est très drôle. Ouais. Du côté anglophone, eh bien, Clopelgag, ça te fait passer à The Pack 80 où tu peux te mettre une commandite sur... sur le paquet. Sur le paquet, Mathieu. Et oui, je le sais. Parce que le titre de la chanson, c'est Yes, I Know. L'artiste, c'est The Pack 80, bien évidemment, on aurait deviné. Et si tu réussis à faire ça, tu fais du positive thinking, c'est-à-dire le nom de l'album. Eh oui. Et voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. D'endurer tout ça. Donc, plus si tard, tu savais. On entendra The Pack 80 avec Yes, I Know, mais commençons en francophone avec le numéro 1 de cette semaine. Couple Gang! Avec samedi soir à la violence. Oui, dans les palmarès, c'est vous! Au 89 FM! 10 secondes au fond, puis je veux pas comme le fader, tu vois, oh cette plate. Fait qu'on remplit, puis on danse. Oui! Ouais. C'est ça qu'on fait, là. On a réussi. Souvent cette voix, celle qui habite en toi. Oh, chanson numéro 1 pour la semaine du 10 au 16 octobre 2016. On vient entendre The Pack 80 en première anglophone qui monte de 4. La pièce s'appelle Yes I Know sur l'album Positive Thinking. Et on vient d'entendre pour une deuxième semaine d'affilée Clo Belbag avec son histoire à la violence qui est au top 1 francophone. Clo Belbag. Elle a de belles bagues. J'ai. Jewel bling bling bling bling. Ouais, bling. On salue tous les gens qui s'appellent Jewel. Il y en a une au moins, en tout cas. Ben oui, c'est sûr. Bref, voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mardis de 14h à 17h, en direct. Et à 19h, ce sera réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Ensuite, on repasse les vendredis à 17h. Après nous, sur nos ondes, à 20h, c'est réanimation, encore. Mm-hmm. Et à 22h, c'est Matière Noire, l'émission de métal progressif. Finalement, on repasse le samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est toi, en piste avec Tania Baudin. Oui, Mathieu, il y a aussi ce soir la première émission de David. Oui, demain. Demain. Ah oui, je savais. C'est demain à partir de 19h. Ouais. On en reparlera. Sinon, quoi d'autre? En plus, c'est Tania Boulogne, mercredi à 14h. Moi, Mathieu Planchot à 15h. Lundi au jeudi, 10h30 à 9h30 pour Assemblage requis. Et on se quitte avec une pièce qu'on a sautée plus tôt dans l'émission. C'est la position numéro 16 francophone. Qu'est-ce que c'est? C'est Eden Noir de Peter Peter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M, seul avec moi, dans un diner, ouvert 24 heures, où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille, et quand elle parle, défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui je pensais, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un rentre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. Une meute de loups entre et dévore tout. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux. Ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti, n'en serais-je jamais rentré. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. C'est un film noir, oui je pense, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde.